Bonjour. Merci et bienvenue donc à cette deuxième partie de la journée, donc l'après-midi qui est consacrée aux Afriques lusophones et écrans révolutionnaires. Donc nous avons un volet qui est intitulé Artistes historiens. Et en fait, donc, je vais commencer donc, par présenter ce volet. Et mon intervention, elle est moins en texte, disons, abouti et conceptuel qu'une sorte de présentation donc, de cet après-midi. Je vais parler notamment des artistes qui sont avec nous, mais aussi une tentative en fait, de problématiser un peu cette idée de cette figure qui est celle de l'artiste historien. Alors, je commencerai en fait, et c'est aussi une tentative de réunir, de résumer plusieurs pistes qui ont déjà été évoquées donc hier et ce matin. Et donc voilà, ce sera un peu une communication qui est à la fois une présentation de l'après-midi, donc une tentative d'avancer certaines hypothèses. Alors, la question que je poserai tout de suite, c'est pourquoi en fait avoir invité des artistes contemporains, donc des gens qui travaillent aujourd'hui, dans le cadre d'une journée qui est consacrée en bonne partie à des questions qui sont vraiment d'ordre historique. Donc, on a eu déjà l'occasion d'évoquer la situation historique particulière, notamment du Mozambique ce matin, par le biais de trois communications. Donc, Ross Gray a très bien décrit la situation, tout comme Elisabeth et Raquel. Et donc, je commencerai peut-être par rappeler qu'est-ce que c'est cette situation historique particulière, afin de faire un peu le résumé et de décrire un peu le contexte donc, duquel on parle. Donc, en 1975, 15 ans après en fait, que les pays des anciennes colonies françaises d'Afrique subsaharienne accèdent à l'indépendance, c'est autour des pays africains d'expression portugaise, le Mozambique, l'Angola, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et les îles de Saint-Thomé et Principe, de célébrer la fin de l'occupation coloniale. J'ai l'impression que ça fait beaucoup de... Est-ce que ça va mieux? Oui, okay. Désolée. Donc, en fait, il y a toute cette série de pays qui va donc obtenir leur indépendance à une date qui est relativement tardive et qui vient en fait, c'est l'aboutissement d'un processus historique assez complexe qui passe donc notamment par une longue guerre de libération qu'on a eu l'occasion d'évoquer aussi hier et qui va se conclure aussi par la fin du régime fasciste au Portugal et donc dans toute une série de circulations donc d'idées révolutionnaires qui a aussi souvent été donc souligné depuis hier. Donc pendant les années de guerre, il y a quelques cinéastes et militants qui sont d'origine très différente, parmi lesquels Sarah Maldoror, qui est avec nous et qui aura l'occasion d'intervenir un peu plus tard, Tobias Engel, Margaret Dickinson, qui est aussi parmi nous et qui va aussi témoigner, Mario Maret, Robert Van Lierop, qui vont tourner des images qui rendent compte en fait des luttes de libération. Alors, l'histoire méconnue de ces films, parce qu'il s'agit véritablement d'une histoire méconnue, constitue le récit d'une mondialisation alternative. Donc, un aspect qui a aussi déjà été souligné, notamment par Ross Gray et Lucia Montero. Donc, une mondialisation alternative qui réunit pays du tiers-monde, donc c'est la désignation qui est utilisée à l'époque, blocs soviétiques et de nombreux réseaux militants autour de questions qui sont autant d'ordre géopolitique que d'ordre formel. La communication d'Olivier Adouchi hier sur le film de William Klein a bien insisté sur ce point à propos duquel on a déjà cité notamment le travail de l'historien anglais Benedict Anderson qui dans son livre donc, Les bannières de la révolte, anarchisme, littérature et imaginaire anticolonial, la naissance d'une autre mondialisation, et qui est par ailleurs le livre qui inspire l'intitulé de ces deux journées d'études, Donc, dans ce livre, l'auteur s'intéresse à plusieurs mouvements indépendantistes de la fin du XIXe siècle, que ce soit aux Philippines, à Cuba ou en Afrique du Sud. Et elle vient de montrer à quel point les idées anarchistes qui se sont développées en Europe ont eu une influence absolument essentielle pour comprendre ce genre de mouvement révolutionnaire. Bon, beaucoup plus que le marxisme, l'anarchisme aurait été la grande influence intellectuelle sur ces élites qui ont donc mené ces révolutions au début du XXe siècle. Donc il s'agit en récit d'une première mondialisation qui vient mettre l'accent sur la circulation et la diffusion des idées révolutionnaires et qui semble anticiper en quelque sorte ce qui va se passer dans les années 60 et dans les années 70. Et ici, il y a plutôt donc à ce moment-là une circulation d'idées du sud au nord, du nord au sud, du sud aussi à l'est, que ce soit l'Asie ou le bloc soviétique. Donc au gré de rencontres, au gré de rencontres qui se font parfois aussi dans le cadre des festivals panafricains. Voilà, donc ça c'est un élément important, au gré de lectures de combats politiques qui sont partagés. Donc la circulation me semble constituer un élément extrêmement important, que ce soit au niveau culturel, mais aussi au niveau de la circulation des images qu'on a aussi déjà eu l'occasion d'évoquer. Alors, cette indépendance tardive des pays africains lusophones est notamment à l'origine d'une expérience singulière qui a été donc discutée ce matin et qui est celle du Mozambique. Donc, en 1975, et suite à l'indépendance du Mozambique, l'Institut national du cinéma mozambicain est créé. Il s'inspire directement de l'exemple cubain. Il est dirigé d'abord donc, par Rui Guerra, qui est né au Mozambique, mais qui s'était exilé au Brésil et qui revient dans son pays natal donc, pour diriger cet institut du cinéma. On cite souvent les invitations qui ont été faites donc, à des gens comme Jean-Luc Godard et Jean Rouch. Hier, on a eu l'occasion aussi de parler des ateliers Super 8 que Jean Rouch a donc fait au Mozambique. Et en même temps, donc, cet institut de cinéma se lance dans la production de bulletins d'information, les Kusha Kanema, dont Ross Klein nous a monté des extraits ce matin. Donc, les archives de l'INC ont été détruites par un incendie en 1991 et elles ont tombé pendant quelque temps dans l'oubli. Elles ont été redécouvertes aujourd'hui et elles attirent vraiment donc l'attention à la fois d'historiens et d'artistes qui semblent s'intéresser en fait à cette situation de mémoire amputée, je vais l'appeler comme ça, qui entre vraiment encore l'histoire donc cinématographique de ces pays. Alors, je crois que c'est en partie cette situation de mémoire amputée qui vient expliquer en partie l'intérêt des artistes pour ce terrain particulier. C'est un terrain qui est considéré encore comme un terrain mineur, marginal, notamment dans les marges du cinéma dominant et de ses histoires. Mais il s'agit aussi d'un terrain qui permet de mettre en avant une forme de mémoire qui serait beaucoup plus subversive et qui s'attache aux oublis de la grande histoire, de l'histoire avec un H majuscule. Alors, manifestant une sorte d'urgence nouvelle qui est liée à une situation générationnelle que Nicole Brenès avait déjà évoquée hier. Donc il y a beaucoup de gens qui ont participé à ça, qui ont aujourd'hui un certain âge et il faut recueillir des témoignages. Donc il y a une situation générationnelle urgente, mais aussi à quelque chose qui ressemble à un retour du refoulé, comme si on avait refoulé pendant longtemps l'histoire des mouvements de libération et de la guerre coloniale notamment, et ça revient. Certains artistes se lancent donc dans des véritables explorations documentaires qui se fondent sur la redécouverte ou la reconstitution d'archives oubliées, le recueil de témoignages, le questionnement des vides. Et donc c'est dans ce contexte que j'aimerais notamment discuter de la figure de l'artiste chercheur et plus particulièrement de l'artiste historien et d'avancer quelques hypothèses donc autour de cette idée. Alors, je commencerai évidemment par faire une observation préliminaire, c'est que cette idée d'artiste historien, elle est loin d'être nouvelle ou spécifique à la situation des Afriques lusophones. Et je me permets de citer quelqu'un qui a donc travaillé beaucoup sur cette idée, Clara Schulman, dans une thèse sur les films d'artistes, qui frappait par cette capacité et par les stratégies d'analyse donc de plusieurs artistes contemporains, écrit le suivant, et je la cite. Ces dernières années ont participé à la description d'une figure de l'artiste chercheur, historien, qui, pour mieux cerner les problématiques qu'il choisit d'aborder, privilégie la mise en place d'un travail de réécriture critique. L'œuvre devient le témoignage de ses recherches qui lui préexistent et la rendent possible. Par augmentation ou réduction, elle se signale comme résultat, dénouement possible d'une enquête qu'il revient au spectateur de reformuler à son compte. Donc, fin de citation. Donc, à la fois résultat et mise en scène d'une enquête, les travaux des artistes historiens, et en particulier ceux qui vont m'intéresser aujourd'hui, renvoient à une pratique qui rappelle à mains égards celle de l'histoire, au moins telle qu'elle a été définie notamment par Michel de Certeau dans un ouvrage classique, L'écriture de l'histoire. Alors, l'histoire y est traitée comme une pratique, toujours médiatisée par la technique, sa frontière se déplaçant constamment entre le donné et le créé, et le document et sa construction, entre le supposé réel et ses multiples occurrences. Je cite encore Clara Schulman. C'est un peu comme si le travail de l'historien se situait lui-même dans les marges, se défiant des institutions et des réflexes rationalistes. Et donc, dans ce cadre, la question est bien celle de savoir qu'est-ce que fabrique l'artiste lorsqu'il fait de l'histoire, entre guillemets. À quoi travaille-t-il et que produit-il? Pour y répondre, au moins pour esquisser certaines tentatives de réponse, il faut regarder un peu plus près certains travaux qui ont pour dénominateur commun notamment de solliciter l'image en mouvement, la mettant parfois au cœur de leur réflexion. Et donc je commence par regarder un peu donc, le travail de Mathieu qui est ici et qui va en parler. Je suis ravie qu'il soit là parce qu'il va parler de son travail un peu plus dans le détail. Donc, je profite aussi pour le présenter. Mathieu est né en Guyane française. Il est à la fois artiste et commissaire. Il s'est intéressé d'abord dans son travail, il s'intéresse toujours à l'histoire du colonialisme, aux figures et aux identités du colonisé et du colonisateur, ainsi qu'au silence et au refoulement qui pèsent encore sur les récits et les représentations du fait colonial. Alors il passe progressivement d'un travail de réemploi et de détournement d'images, notamment avec une série intitulée « Paysages de traite », datée de 2004-2007, et où il se propose, où il redessine une série de gravures coloniales du XIXe siècle, à une pratique qui est fondée, à mon avis, sur une véritable démarche de recherche et qui est axée désormais sur les mouvements de libération africains et l'histoire de la décolonisation. Alors, le fil commun à ce travail serait toujours cette envie de restaurer ou exposer les oubliés, à mon avis. Depuis 2010, il travaille notamment avec la cinéaste française d'origine guadeloupéenne Sarah Maldoror, donc figure incontournable du cinéma africain et du cinéma tout court, qui nous aurons aussi l'occasion donc d'entendre plus tard. Et donc Mathieu mène un travail de recherche qui est très précis et minutieux sur l'œuvre de Maldoror. Un travail qui implique à la fois du récollement d'archives, la projection et valorisation de films oubliés, comme Monangambé, qu'on aura l'occasion de regarder parce que Mathieu est venu avec une copie de ce film, et dont la bande-son avait été perdue, donc tu pourras peut-être après expliquer l'histoire de la bande-son, et qui a été donc refaite grâce aussi à ton intervention. Donc je disais projection et valorisation de films oubliés, enquête aussi autour de films perdus. Et justement, Mathieu va aussi nous parler donc, du travail qu'il mène autour d'un film perdu de Sarah Maldoror et qui n'a jamais été monté, Fusil pour Banta, donc un film en projet daté de 1970, tourné en Guinée-Bissau avec un financement algérien. Alors, Mathieu parle très bien de son travail, donc je ne vais pas faire ça à sa place. Je vais juste indiquer deux ou trois choses qui me semblent intéressantes par rapport à cette figure de l'artiste historien. Je dirais aussi, je signalerai qu'en ce moment, il y a une exposition à la galerie Marcel Alix à Belleville, à Paris, donc, où Mathieu expose ce travail autour de Fusil pour Banta. Donc il a notamment réalisé une préface, ce qu'il appelle une préface à ce film perdu ou absent de Sarah Maldoror. qui prend la forme d'une affiche où sont reproduits côte à côte des négatifs du film et des extraits d'entretiens qui ont été effectués par l'artiste à 40 ans de distance. Il a aussi donc monté une collection de fragments du film et de son script sous forme de diaporama. Là, on voit donc une image qui vient de ce diaporama. Et je noterai aussi que si jamais Mathieu arrive à retrouver ses bobines perdues, je crois que tu pourras monter le film. Sarah, surtout. Oui, avec Sarah. Mais voilà, donc cette possibilité, elle existe. Donc, par ailleurs, l'expo est accompagnée d'une recherche sur le numéro de la revue Tricontinental que Olivier Adouchy avait déjà mentionné hier. Et il y a aussi une reprise de programme de film au sous-sol de cette galerie, donc un programme de film qui avait été projeté à Alger en 1986 à l'occasion du 25e anniversaire de la mort de Frantz Fanon, qui est une figure importante aussi dans le travail de Mathieu. Alors, la pratique de Mathieu Abonnet renvoie très clairement à des opérations d'ordre historiographique. C'est l'artiste lui-même qui le dit, donc je vais le citer dans un entretien à la revue Mail. J'ai le sentiment de travailler un peu comme un historien. Ce que je fais en ce moment, c'est d'essayer de trouver tout ce qui s'est manipulé dans les années 1900 et 1970 par rapport aux indépendances africaines. J'essaie d'avoir suffisamment de sources pour sentir qu'à un moment, certaines choses se déposent, se détachent d'elles-mêmes et apparaissent progressivement comme des évidences. Donc oui, il y a une recherche au début, où je ne pense pas du tout à l'art, à la finalité de cette recherche dans le monde de l'art. Puis, à un moment donné, la question devient celle de savoir comment, à partir de cela, on peut fabriquer quelque chose qui pourrait exister au nom de l'art et dans le lieu de l'art. De plus en plus, j'essaie de faire jouer ce lieu de l'art aussi comme levier économique, comme des moyens permettant de faire exister des choses qui n'ont plus lieu d'être, ou peut-être qui n'ont plus d'autre lieu où exister. Se servir de l'économie de l'art, privé et public, pour faire exister des objets ou des réflexions, des montages, constitue une partie de plus en plus importante de ces recherches, justement. Donc, formidable citation pour cette idée de la figure de l'artiste historien, à laquelle j'ajouterai deux ou trois idées. Alors, le déplacement de la recherche vers un lieu de production particulier, celui de l'art contemporain, ne change pas en fait ce geste historiographique originel qui est celui de mettre à part, de rassembler, de muer en document certains objets qui étaient repartis autrement auparavant. La pratique de l'historien repose justement sur ce geste fondateur qui le rend capable de produire ses documents en les isolant et en les transformant en objets d'un savoir. Alors, Mathieu Abonnet me semble procéder comme ça, et le déplacement de la recherche vers le lieu de l'art ne viendrait insister que sur une forme de praxis sociale très proche de l'activité historiographique. Comme le signalait encore Michel de Certeau, et je le cite, « L'histoire est toujours ambivalente. La place qu'elle taille au passé est également une manière de faire place à un avenir. » Alors, ce qui me semble réussir le travail de Mathieu Abonnet, et je vous invite notamment donc à visiter l'expo qui est actuellement à la galerie Marcel Alix, c'est à composer un lieu qui instaure dans le présent cette figure ambivalente du passé et du futur. Le passé, notamment ce passé qui a été, cette constellation autour de Fusil pour Banta, représente presque naturellement ce qui fait défaut et qui renvoie à une absence. C'est ce qui manque encore qui introduirait la faille dans le futur. Il s'agit véritablement d'une relecture, réécriture de l'histoire, très porteuse, et à la fois d'un pari sur une histoire dite mineure, mais qui vient éclairer la grande histoire. Alors ça, c'est une configuration possible. Avec le travail de Katharina Simon, qu'on aura aussi l'occasion d'écouter après Mathieu Abonnet, l'accent est mis sur la question des archives. Alors, on connaît la place que l'archive occupe dans l'art contemporain. Je rappellerai seulement la façon dont elle renvoie à la fois à une forme d'usage des images, à une pratique de l'image et du regard. Donc Katharina est une architecte de formation qui mène depuis 2009 le projet Hors Champ, un travail de recherche sur les archives cinématographiques de l'Institut National du Cinéma Mozambicain, donc ces célèbres archives qu'on a déjà discutées ce matin. Évidemment, il y a aussi archives dans le travail de Mathieu Abonning, dans cette façon de collectionner. Et donc ce passage, notamment par la question de l'archive, permet à une conscience historique de s'énoncer, qui discute directement des objets à faire pénétrer dans le grand continuum de l'histoire. Alors Katharina Simon travaille directement sur des archives, institutionnellement désignées en tant que telles, mais aussi sur le sens premier des archives, c'est-à-dire ces archives en tant qu'enregistrement d'une réalité disparue. Donc elle mène un travail qui serait plus théorique sur certaines dimensions d'archives, donc les rapports entre image et histoire, image et pouvoir. Donc elle aura aussi donc l'occasion de nous parler de ça, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vous signalerai en fait le travail d'autres artistes qui se concentrent eux aussi sur cette question des archives, mais par le biais de l'exploration des archives personnelles, intimes, et qui travaillent donc notamment sur des films Super 8 tournés en Afrique, et qui sont donc Raquel Schaeffer, qu'on a eu l'occasion d'écouter ce matin, et Manuel Santos Maia, donc un artiste portugais, qui mène donc un projet qui s'intitule Aliava, sur lequel je vais vous parler. Je vous dirai un mot sur, je reviens en arrière pour ne pas vous faire regarder Santos Maia. J'ai pas mis d'image du film de Raquel, parce que Raquel va nous montrer le film, et elle est là, et elle pourra présenter le film. Donc je viens juste cadrer en fait un peu ce travail. Donc Raquel, elle est réalisatrice et chercheuse. Et donc le film que nous aurons l'occasion de regarder plus tard, je ne sais pas si je vais le dire bien, Ne Chajo, ou Jo, The Game, le jeu, réutilise en partie donc des archives familières, et vient solliciter aussi cette procédure de la reconstitution, ou de reenactment, qui était question déjà dans son analyse du film Moueda. Alors, Raquel va mettre en scène et rejouer une mémoire de sa grand-mère, qui a habité au Mozambique. Et ce qui me semble intéressant, c'est l'idée que non seulement on va réutiliser des images d'archives, donc il y a une pratique très répandue d'ailleurs, qui est une pratique de recyclage d'images, mais que, et notamment par le biais de la reconstitution, elle vient montrer à quel point on ne filme toujours que le passé. Donc la proposition filmique de Raquel Schaeffer, et c'était déjà le cas dans son dernier film, vient réactiver des récits, des événements, des objets qui étaient marquants dans un domaine strictement personnel. Et le film s'offre ainsi comme le moyen de remettre en scène, de rejouer et de réinscrire au sein d'un espace critique plus large ce que le flux uniforme et linéaire des récits retenus aurait tendance à évacuer. Et donc ce geste de la remise en scène, qui est notamment aussi discuté encore par Clara Schulman dans son travail sur les films d'artistes, me semble être un point d'entrée extrêmement intéressant pour penser cette question de l'artiste historien. Avec cette réutilisation des images, on est aussi très très loin d'un geste, disons, de muséification ou de monumentalisation des images. Parce qu'à la fois avec ces films qui réutilisent donc des images anciennes, on vient les exposer, mais on vient surtout les transformer en sites de production d'un discours complexe. Donc les images comme sites aussi, comme forme de pensée, et notamment de mener une réflexion critique sur ce passé donc cinématographique et historiographique. Par ailleurs, donc, cette question de la réutilisation donc, des images d'archives serait aussi liée à un diagnostic plus général, qui est celui d'une crise de la mémoire. Donc l'association d'images ne viendrait pas restaurer tout à fait, mais vraiment exposer. Et ça, c'est particulièrement donc, évident dans le travail de cet artiste portugais, Manuel Santos Maia, qui mène donc, un projet artistique très large, qui s'appelle Aliava. Donc un projet qui implique à la fois le cinéma, mais aussi des travaux graphiques. Donc l'artiste, il est né au Mozambique de parents portugais. Sa famille est retournée au Portugal après l'indépendance donc, du Mozambique. Et c'est donc une famille qui se retrouve dans une situation particulière, celle de ce qu'on appelle en portugais « retornados », ceux qui sont retournés donc, au Portugal et qui sont en fait les pieds noirs portugais. Et qui se retrouvent aujourd'hui, et depuis leur retour au pays, dans une situation particulièrement complexe, douloureuse, traumatique, qui revient beaucoup, disons, dans le monde social portugais, parce que récemment il y a eu beaucoup de livres qui ont été publiés, et il y a donc le travail aussi de ces artistes qui vient donc exposer en fait donc cette situation de crise de la mémoire. Alors le projet en question, qui est donc en projet vaste, qui implique aussi un travail sur ces matériaux graphiques, comme ce livre donc de l'école primaire conçu par le Frelimo, le Front de Libération du Mozambique, et je vais vous montrer quelques images dans un instant. Ce projet s'intitule Aliave, c'est-à-dire égaré. C'est la conjugaison de l'indicatif imparfait, donc je cite le propos de l'artiste. Conjugaison de l'indicatif imparfait du verbe égarer, synonyme d'un autre verbe, aliéner, définit l'action ou l'effet de détourner, écarte, transfère, donne à autrui. Dans toutes ces circonstances, le mot a aussi un ensemble de dimensions psychologiques, comme vivre dans un monde abstrait, divaguer, faire fausse route, oublier, perdre la tête. Toutes ces idées sont extrêmement présentes dans le projet donc, de Santos Maia, qui va donc réutiliser ou travailler, par exemple, ce genre de matériel. Donc ici, on peut voir, donc, dans ce livre de l'école primaire conçu par le Frelimo, les armes. Donc on compte les armes, on compte les soldats du Frelimo. Il va notamment refaire ses exercices. Il réutilise beaucoup d'images de photographies familières. Il va aussi mener un travail sur des cartes, par exemple des cartes du Mozambique et des cartes du Portugal. Donc c'est vraiment un projet en cours, très très large, et qui inclut donc Eliave Film, Égaré Film, un projet qu'il a surtout fait en 2006-2007, mais qu'il continue un peu de remonter. Donc, et qui consiste en cette réutilisation de films Super 8 tournés par sa famille. Donc il y a un travail donc, sur cette mémoire identitaire à la fois familière et mémoire identitaire dans Pied Noir, qui est accompagné par un travail qui serait vraiment en rapport avec certaines formes d'oralité ethnologique, parce qu'il va interviewer son père, donc son père qui est né au Mozambique, qui a passé une bonne partie de sa vie là-bas, et qui est donc rentré au Portugal suite à l'indépendance. Et il montre le film, il montre ses images avec ce témoignage de son père, en travaillant notamment donc ce décalage entre ce qu'on voit à l'écran et le témoignage oral. Ce qui vient en fait insister donc sur le mode de fonctionnement ou de dysfonctionnement, on dirait, de la mémoire. Ce sont des images qui sont vraiment marquées par la discontinuité, le flou, les interruptions, les sauts, comme pour beaucoup de films qui réutilisent d'ailleurs des films des images Super 8. Mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'il s'agit moins donc de créer un récit cohérent du passé, donc les souvenirs de sa famille. Il aurait pu utiliser ces films pour créer une sorte de récit cohérent donc de ce passé familier, mais il a plutôt donc décidé de faire place au manque et aux oublis. C'est-à-dire que la démarche historienne donc de l'artiste viendrait privilégier les relations la relation avec un vécu, non pas dans le but de faire revivre ou ressusciter un passé, mais d'acter donc de cette impossibilité de reconstruire ou remémorer le passé. Donc il viendrait plutôt insister sur cette crise de la mémoire, sur cette difficulté du souvenir et en même temps cette urgence. Il faut à la fois se rappeler, mais il y a aussi une difficulté très très grande qui serait traduite déjà par les images, par le corps des images même. Alors je terminerai cette introduction problématique ou problématisante par une dernière mention. Donc ça c'est encore en fragment du film de Manuel Santos Maia qu'on était censé projeter ce soir, mais que pour de raisons techniques on ne pourra pas faire. Je suis vraiment désolée. Dernière mention donc à ce film aussi très beau et très intéressant d'une autre artiste, Philippa César, donc The Embassy, film tourné en 2011. The Embassy, c'est une allusion au film de Chris Marker, L'ambassade, donc le titre du film vient reprendre... Donc elle fait allusion au film de Chris Marker. Donc c'est un film qui a été tourné aussi récemment par l'artiste en Guinée-Bissau, autour d'un des rares albums photographiques qui ont survécu à la guerre civile de 1998 et 1999, qui a détruit la plupart des archives à Bissau. Alors, Philippe Acézard mène aussi un travail de recherche sur plusieurs cinéastes guinéens comme Flora Gomez, Joséphine Akrato, José Bonama, etc. Des cinéastes qui ont étudié ou qui avaient été entraînés à Cuba, notamment à la demande d'Amilcar Cabral, donc le grand idéologue des mouvements de libération de l'Afrique lusophone et grand idéologue de la révolution africaine aussi en général. Et donc, dans le cadre de ce travail de recherche plus vaste que Philippe Acézard mène sur ces cinéastes, donc elle a tourné un film sur cet album photographique qui est en fait un album anonyme qui a été créé par des officiers coloniaux portugais qui étaient en Guinée-Bissau et qui ont donc assemblé ces grands livres de photographies qui sont donc disposés selon une grille rigoureuse et qui sont classés. Et ce sont en fait, les images sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont par ailleurs donc commentées par un archiviste. On voit sa main qui est. On ne voit que sa main d'ailleurs, parce que le film se concentre vraiment sur les albums. Et encore, ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce commentaire de l'archiviste qui interprète donc ces images qui ont été donc faites à 40 ans de distance. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est comment ces images qui sont apparemment donc anodines, qui décrivent très bien, disons, le paysage de Guinée, nous disent aujourd'hui toute une série de choses sur, en fait, les rapports de violence coloniale qui étaient présentes à cette époque-là. Donc, encore une fois, une artiste qui mène un travail de recherche sur le terrain, qui va elle-même retrouver ses archives et qui participe par le travail qu'elle fait de la redécouverte de ses archives. Donc, il me semble extrêmement pertinent de penser l'activité et la recherche de ces artistes aussi, qui sont des chercheurs, donc les appeler artistes ou chercheurs, je ne sais pas. Mais voilà, c'est clair qu'ils font les deux choses, c'est clair qu'ils participent en mouvement beaucoup plus vaste, et c'est clair aussi qu'il y a certainement des échanges extrêmement pertinents et enrichissants qui doivent se faire dans les domaines de la recherche et le domaine artistique. Donc voilà mon introduction problématisante. Avec Philippe Acézard, donc César, on passerait de ce passé qui est lisible ici à un présent caché. Et sur cette idée, je passerai peut-être la parole à Mathieu, qui va donc nous parler de son projet et que je remercie vraiment d'être là. Merci beaucoup.